Il y a des vers qui se cassent quand on les boit, et des lagunes qui emplissent nos estomacs. Il y a des rires qui ressemblent à des combats, et l'amertume en recouvre leurs éclats. Il y a des choses que je ne comprends pas. C'est une profession de foi. Ouvre ta porte où le vent n'entrera pas. Il passera outre, ne te laissera pas le choix. À chaque jour suffit sa peine ou sa joie. Même en amour, il y a des chemins de croix. Il y a des choses que je ne m'explique pas. C'est une position de choix. Trancheront la peau sucrée des serpents, de leur venin nous nous enduirons les doigts.